بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثالث من هذه السلسلة في الشرح على وصول الإيمان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Nous sommes donc au troisième cours dans cette série sur l'explication des fondements de la foi de l'imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa qad wasalna ila al-hadith al-thalith alladhi dhakarahu al-mu'allif rahimahullah. Et donc nous sommes arrivés au troisième hadith qu'a cité l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Faqal, il dit donc: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجاه. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, marfou'an, c'est-à-dire attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: la main droite d'Allah est pleine et il n'y a aucune dépense qui la diminue. Aucune dépense ne diminue la main droite, ne diminue ce qu'elle contient. Il donne jour et nuit. Il donne durant la journée et la nuit. Avez-vous vu combien il a dépensé, combien il a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Certes, cela n'a pas diminué ce que contient ce qu'il y a dans sa main droite. Et la justice est dans son autre main. Il élève et diminue. Akhraja, c'est-à-dire apporté par Al-Bukhari et Muslim. Hada al-hadith fihi wasfullahi bil-yamin. Il y a dans ce hadith le fait de décrire Allah par la main droite. Le fait que Allah ait une main droite. وقد اجمع اهل السنه على اثبات اليمين لله تعالى. Et les gens de la sunna sont unanimes sur le fait d'affirmer la main droite à Allah. بل اهل السنه مجمعون على اثبات اليدين لله تعالى. Mais plus que cela, les gens de la sunna sont unanimes quant au fait d'affirmer deux mains pour Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut qui dit: قَالَ يَا إِبْلِيسِ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيِّ. Il dit: ô Iblis, c'est-à-dire Allah le Très-Haut qui dit: ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Celui que j'ai créé de mes deux mains. وَقَالَ أَيْضًا بَلْ يَدَاهُمَا بِسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَا. Il a aussi dit, Allah le Très-Haut: بَلْ يَدَاهُمَا بِسُوطَتَانِ. Mais ses deux mains sont étendues. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَا. Il dépense, il donne comme il veut. فَيَجِبُ إِثْبَاتُ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى. Il est donc obligatoire d'affirmer les deux mains à Allah le Très-Haut. وفي الحديث وصف الله بالعطاء والكرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. Et il y a dans ce hadith le fait de décrire Allah par le fait de donner et la générosité. Car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la main droite d'Allah est pleine. Aucune dépense, aucun don ne la diminue. Il donne durant la journée et la nuit. Aïe, annahu da'iman mawsoufun bil'ata'i wal karam. C'est-à-dire que Allah est tout le temps décrit par cela, par le fait de donner la générosité. Il est tout le temps comme cela. Nuit et jour, tout le temps. Wa ma'a dhalika fa innahu la yanqusu ma 'indahu. Et malgré le fait qu'il donne tout le temps, eh bien, ce qui est auprès de lui ne diminue pas. Wa li dhalika qala ra'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avez-vous vu tout ce qu'il a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Fa innahu lam yarid ma fi yamini. Certes, cela n'a pas diminué ce qu'il y a dans sa main droite. Allahu Akbar. Tout ce qu'il a donné depuis la création des cieux et la terre, cela n'a diminué en rien de ce qu'il y a dans la main droite d'Allah le Très-Haut. Comme Allah Azza wa Jal, il dit: ma indakum yanfud wa ma indallahi baqin. Ce qu'il y a auprès de vous s'épuise, mais ce qui est auprès d'Allah dure. Ce qui est auprès d'Allah dure. Wa fi sahih Muslim anna Allah ta'ala qala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqasu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Et aussi dans Sahih Muslim, dans le hadith Qudsi, que Allah le Très-Haut a dit: ô serviteur, ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, ainsi que le dernier, c'est-à-dire tous, humains et djinns, vous vous rassemblez tous sur une même place, et que vous me demandez, et que j'accorde à chacun ce qu'il a demandé, cela n'aurait diminué en rien ce que j'ai. Il dit: cela n'aurait diminué ce que j'ai que comme lorsqu'on fait rentrer l'aiguille dans la mer. Na'am, wa idha udkhila al-mikhyat fi al-bahr, hadha la yanqusu shay'an. Et lorsqu'on fait rentrer l'aiguille dans la mer, cela ne diminue en rien la mer. Et donc Allah Azza wa Jal, s'il donne à tous du premier jusqu'au dernier, s'il leur donne à tous ce qu'ils ont demandé, cela n'aurait diminué en rien de ce qu'Allah Azza wa Jal possède. Wa fil hadith, anna Allah yarfa'u wa yakhfid. Il y a dans le hadith le fait que Allah il élève et diminue. Wa qad dhakarna anna al murad anna Allah yarfa'u bil qist aqwaman wa yakhfid akharin. Et certes, on a cité que Allah il élève par la justice, il élève des gens et il rabaisse et diminue certains. Wa kulna aidan qad yakunu al murad anna Allah yuwassi'u fi ar-rizq wa yudayyiq. Et on a aussi dit que il se peut que la signification de cela, c'est que Allah Azza wa Jal, il augmente la subsistance et il diminue pour qui il veut parmi ses serviteurs. Wa la budda an nafham anna ma yahsulu fi al-ard min jafaf وقحط فهو مما كسبت ايدينا. Et il est important que l'on comprenne que ce qui se produit sur la terre parmi la sécheresse et la famine, alors cela fait partie, cela est dû à ce que nous avons accompli. Allah Ta'ala qui dit: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Certes, la corruption a apparu sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont fait afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait afin qu'ils reviennent. Wa qala aidan, et Allah a aussi dit: wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Et donc, le mal qui vous atteint est dû à ce que vous avez fait, est dû à ce que vous avez fait de vos propres mains. Donc ce que vous avez fait vous-même. Wa antum tulahidhun anna fi akhir al-hadith dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna al-qisṭa fi yadihi al-ukhra. Et vous remarquez que à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que la justice est dans son autre main. Et il y a plusieurs sujets qui sont liés à cela. Et donc, premièrement, on a dit que les gens de la sunna sont unanimes sur le fait d'affirmer les deux mains à Allah. Lakin al-yad ja'at fi an-nusus mufrada wa muthanna wa bi sighat al-jam'. Cependant, la main a été citée dans les textes au singulier, ou alors au duel, ou alors au pluriel, ou alors au pluriel. Allah Ta'ala qui dit Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Et donc, la main, ici, au singulier. Allah Ta'ala qui dit aussi, Bel yadahu mabsutatan. Mais ses deux mains sont étendues. Wa aydan, il dit aussi, وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا. Ne voit-il pas que nous avons créé pour eux des bestiaux de nos propres mains? Nous avons créé pour eux des bestiaux de nos mains. فَهَلْ لِلَّهِ يَدٌ وَاحِدَةٌ أَوْ يَدَانٌ أَوْ أَكْثَرٌ. Et donc, est-ce que Allah, il a une main, ou deux, ou plus? Al-jawabu kama sabaq. Anna lillahi yadayn. Et donc, la réponse, comme cité précédemment, est que Allah a deux mains. Wa ahlu sunnati la yuthbituna akthara min yadayni lillah. Et les gens de la sunna n'affirment pas plus de deux mains à Allah. Wa amma wurudil yadi mufradatan. Felmurad al-yaden. Et lorsque on voit dans les textes de la législation la main citée au singulier, alors ce qui est voulu par là, c'est le duel deux mains. Vous allez me dire, comment ça? Je vous explique, inshallah ta'ala. لأن المفرد المضاف في اللغة العربية يفيد العموم. Car le mufrad, le singulier, lors d'une affiliation dans la langue arabe, indique une généralité. Et donc le singulier, lors d'une affiliation dans la langue arabe, indique une généralité. Vous allez comprendre. Comme Allah Azza wa Jal, il dit « Wa in ta'uddu ni'matallah, la tuhsuha. » Si vous comptez, regardez bien, si vous comptez, on dit toujours les bienfaits d'Allah. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Et ici, j'ai dit les bienfaits d'Allah, parce que c'est comme cela, c'est ce qui est voulu. Les bienfaits d'Allah, ce n'est pas le bienfait d'Allah. On ne peut pas dire si vous comptez le bienfait d'Allah au singulier, et ensuite on dit vous ne pourrez les dénombrer. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est les bienfaits. Pourtant, lorsqu'on regarde le terme utilisé, c'est le singulier. Le bienfait d'Allah. Et donc, le singulier qui a été affilié à Allah, cela indique une généralité. Et donc, ce qui est voulu par le bienfait, ce qui est voulu par là, c'est les bienfaits. Et ceci est une règle à connaître dans la langue arabe. Ceci est une règle à connaître dans la langue arabe. أما ورود اليد بالمثنى فهو دليل على أن لله يدين لا أكثر. Et en ce qui concerne le fait que les deux mains, les mains ont été citées au duel dans les textes, alors ceci est une preuve que Allah a deux mains, pas plus. وأما ورود اليد بصيغة الجمع فهذا لا يناقض اليدين. Et en ce qui concerne le fait que les mains ont été citées au pluriel, alors cela ne contredit pas le duel. Cela ne contredit pas le fait que Allah est deux mains. لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثنين. Car le plus petit pluriel est de deux. Le plus petit pluriel est de deux. Allah Ta'ala, il dit dans son livre, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. S'il a des frères, ça c'est le pluriel des frères, إِخْوَةٌ. S'il a des frères, alors sa mère, et donc la mère du mort, elle hérite du sixième de la richesse que possède ce mort. Et donc, ici, le terme qui est utilisé, c'est ikhwa, des frères, s'il a des frères. Pourtant, ce qui est voulu ici, ce n'est pas trois frères, mais deux. Si ce mort, il a deux frères, alors la mère, elle hérite du sixième. Elle hérite du sixième. Et ici, on a le terme ikhwa, le pluriel. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَ وَعَلِيٍ أَلَا تُصَلُّونَ. Et dans Sahihain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima et à Ali, ne priez-vous pas, Ela tusallun, ne priez-vous pas, il a utilisé le pluriel pour deux personnes. Il n'a pas utilisé le duel. Car dans la langue arabe, on fait la distinction justement entre le singulier, le duel et le pluriel. Mais ici, on voit en fait que le duel qui est distinct du pluriel, le duel, c'est le plus petit pluriel en fait. C'est le plus petit pluriel, comme on a donc dans la langue française. Et donc le fait de voir le pluriel cité pour les mains d'Allah Azza wa Jal, cela ne contredit pas le duel. Cela ne contredit pas le fait que Allah est deux mains. فَلِلَّهِ يَدَانِ. Alors Allah a deux mains. مَسْأَلَةٌ أُخْرَى. هَلْ لِلَّهِ شِمَالٌ. Un autre sujet, est-ce que Allah a une main gauche? اِخْتَلَفَ أَهْلُ السُنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Les gens de la sunna ont divergé concernant ce sujet. فَذَهَبَ الطَّائِفَةٌ إِلَى جَوَازِ إِطْلَاقِ الْيَدِ الشِّمَالِ عَلَى اللَّهِ. Et donc, certains savants, ils voient qu'il est permis de dire que Allah a une main gauche. Certains savants voient qu'il est permis de dire que Allah a une main gauche. وَاسْتَدَلُّ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَاضِينَ بِشِمَالِهِ. Et ces savants qui disent qu'il est permis de dire que Allah a une main gauche, ils se sont basés sur le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son recueil, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis Allah pliera les terres par sa main gauche. Il va plier les terres dans sa main gauche. Wa ta'ifatun ukhra yarawna annahu la yutlaqu shimali 'ala Allah. Et d'autres savants voient qu'il n'est pas permis de dire que Allah a une main gauche. وَاسْتَدَلُّ بِمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ. Et ils se sont basés, donc ces savants qui voient qu'il n'est pas permis de dire que Allah a une main gauche, ils se sont basés sur le hadith qu'a cité Muslimun dans son recueil As-Sahih aussi, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les deux mains d'Allah sont droites. Les deux mains d'Allah sont droites. Qalu fa la yajuzu itlaqu shimali ala Allah. Et donc ils ont dit qu'il n'est pas permis d'affirmer que Allah a une main gauche. Fa ajaba al-akharun بأن هذا الحديث لا ينافي الآخر. Et donc les autres, les savants qui voient qu'il est permis de dire que Allah a une main gauche, ils ont dit qu'en fait ce dernier hadith qu'on vient de citer, le fait que Allah a deux mains droites, cela ne contredit pas le premier hadith, le fait de dire que Allah va donc plier les terres par sa main gauche. Ils disent qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths. لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كِلْتَ يَدَيْهِ يَمِنْ أَيْ فِي الْقُوَّةِ فِي الْقُوَّةِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَشَرَ لَهُ يَدٌ أَقْوَى مِنَ الْأُخْرَى وَالْغَالِبُ أَنَّ الشِّمَالَ هِيَ الضَّعِيفَةِ. Et donc ils disent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les deux mains d'Allah sont droites, ce qui est voulu par là, c'est la force. Car il est connu que l'être humain, il a une main qui est plus forte que l'autre. Il a une main qui est plus forte que l'autre. Et qu'en général, la main faible est la main gauche. La main faible est la main gauche. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah a deux mains droites, ce qui est voulu par là, c'est que Allah n'a pas de main faible. Allah n'a pas de main faible. Il n'y a pas de main ayant de défaut, de manquement. Comme nous, on peut avoir une main qui est moins à l'aise que l'autre. وَالْرَاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْشَاءَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الشِّمَالُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Et l'avis le plus juste dans ce sujet, Inch'Allah, est que nous ne pouvons pas dire que Allah a une main gauche. Nous ne pouvons pas dire que Allah a une main gauche. وَذَلِكَ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ أَلَّتِي فِيهَا إِثْبَاتُ الشِّمَالِ لِلَّهِ تَعَالَى زِيَادَةٌ ضَعِيفَةٌ. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas affirmer que Allah Ta'ala a une main gauche? Tout simplement parce que là, le récit, le rajout qui stipule que Allah Azza wa Jal, le rajout qui montre que Allah a une main gauche dans Sahih Muslim, est un rajout qui est faible, est une information qui est fausse, un récit qui est faux. Pourquoi? لِأَنَّهَ مِنْ تَرِيقِ عَمْرٍ أَوْ مِنْ تَرِيقِ عُمَرِ بْنِ حَمْزَةٍ وَقَدْ ضَعَفَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Car cette information a été rapportée par Omar ibn Hamza. Omar ibn Hamza, et beaucoup de gens de science l'ont jugé faible dans sa narration. Et donc nous ne pouvons accepter cette information, cette narration rapportée par Omar ibn Hamza. فَلِذَلِكَ ضَعَفَ الْإِمَامُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثِ. Et c'est pour cela que l'imam al-Albani, rahimahullah, il a jugé ce hadith faible, même s'il est dans Sahih Muslim. فَالرَّاجِحُ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ. Et donc la vie le plus juste est le fait de s'accrocher à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et ses deux mains sont droites. » Ses deux mains sont droites. وَالْمَسْأَلَةُ الْأَخِرَةِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ يَأْتِينَا مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَيَقُولُ السَّلَفُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَقِيدَةِ. Et le dernier sujet qu'on voit ce soir est qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui ont des maladies dans le cœur qui viennent à nous disant « Les salafs, les pieux prédécesseurs, ont divergé dans la qida, dans la croyance. » Regardez, vous avez cité un sujet sur lequel les savants ont divergé, un sujet dans la croyance. Fenakul, as-salaf lam yakhtalifu fi usul al-aqida. Et donc nous disons que les pieux prédécesseurs n'ont pas divergé dans les fondements de la aqida, dans les fondements de la croyance. Fa ahlus sunnah ajma'u ala ithbat al-yadayn lillahi ta'ala. Et donc les gens de la sunna sont unanimes sur le fait d'affirmer les deux mains pour Allah, comme je l'ai cité dans le cours. ثم اختلفوا في مسألة من فروع العقيدة وهي هل يطلق على الله الشمال أو لا. Et donc les savants, ils sont unanimes sur ce point de base de la croyance, le fait d'affirmer que Allah a deux mains. Puis ils ont divergé sur une branche de la croyance qui est-ce que on peut affirmer que Allah a une main gauche. Ils ont divergé donc sur une branche de la croyance et sont unanimes sur la base, le fait d'affirmer que Allah a deux mains. وَفِي الْحَقِيقَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ فيقولون إن السلف اختلفوا في العقيدة إنما يريدون أن لا ننكر على أحد فتنبهوا. Et en réalité, ces gens qui viennent nous voir avec cette parole, disant les salafs, ils ont divergé dans la aqida, ils ont divergé dans la croyance. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne puisse faire aucun reproche à quelqu'un, à quiconque. Arrêtez de reprocher, puisque de toute façon, même les salafs, ils ont divergé dans la aqida. Et donc, une parole qui est totalement fausse, comme les savants l'ont expliqué, tels que Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Fawzan et d'autres. Et donc, la base de la aqida, les savants n'ont pas, les pieux prédécesseurs n'ont pas divergé dans la base, les fondements de l'aqida. En ce qui concerne el-furu', les branches de l'aqida, alors oui, c'est possible qu'ils divergent. Mais la base, non, ils sont unanimes. Ce sont des sujets d'unanimité. Et donc cette personne ne dit cela que pour qu'on ne puisse faire de reproches à personne. Chacun fait donc ce qu'il veut. Yakuluna salaf ikhtalafu fil aqida. فَلِمَاذَا تُنْكِرُونَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. Et donc ils nous disent, les pieux prédécesseurs ont divergé dans la croyance, alors pourquoi vous reprochez aux gens telle et telle chose? Et donc on ne peut plus faire الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. On ne peut plus appeler au bien et interdire le mal. On ne peut plus appeler les gens à faire le bien et les appeler à délaisser le mal, puisque de toute façon tout est bien. Et donc vous comprenez la caducité de cette parole et le danger de cette croyance. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Et la semaine prochaine, le quatrième cours, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.